Vincent au vent, la linga qui y a. Vincent au vent, et la naïni y a. Bolingo et salaki, donc à voilier. Bolingo et sili, donc à maquiller. Donc à la famille, à mon kini grand c'est boyé. Thank you.